Bye bye la baignoire, bonjour la douche. Moi j'appuie sur une touche et je prends rendez-vous aussitôt pour qu'un artisan s'occupe de mes travaux. C'est easy. Prendre rendez-vous en ligne avec un artisan qualifié pour des travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Easy by EDF. Informations et conditions sur easy.edf.fr. Les travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Aurait-il pu l'imaginer, Verlaine, quand, semi-clochard alcoolique, il traînait son fantôme de poète maudit du café à l'hôpital, que bien longtemps après sa disparition, les rues chanteraient encore ses poèmes saturniens, ses fêtes galantes et ses romances sans paroles. Brassens, Trenet, Ferret, bien sûr, et beaucoup d'autres. Et aurait-il pu imaginer que sa poésie, ses vers, deviendrait un jour l'un des signaux qui lancerait l'une des plus grandes batailles de l'histoire? On le sait, le début de la première strophe de l'un de ses poèmes saturniens, « Chanson d'automne », diffusée par Radio Londres les 4 premiers jours de juin 1944, avertissant les saboteurs du SOE de se tenir prêts, et le 5 juin, « Blesse mon cœur d'une langueur monotone », leur disant de passer à l'action. Il n'aurait pas pu imaginer davantage qu'un jour existerait France Culture, où l'on ferait bon accueil au poète maudit et analyse spectrale de l'Occident pour lui consacrer une émission à lui, poète, qui serait depuis longtemps reconnu comme l'un des plus grands. Lors de sa diffusion, Pierre Cipriot rappelait qu'elle intervenait une semaine après une autre consacrée à Rimbaud et une semaine avant celle dont Victor Hugo ferait l'objet. Alors que, comme on le sait, dans la vie de la poésie, et c'était bien de cela au fond dont il était question dans cette émission, Verlaine arrivait après Hugo et avant Rimbaud. Analyse spectrale de l'Occident, Paul Verlaine, une émission diffusée la première fois le 14 mai 1966 sur France Culture. Analyse spectrale de l'Occident par Pierre Cipriot, assisté pour la réalisation par Hélène Delabrusse. Aujourd'hui, Paul Verlaine, avec la collaboration de Jacques-Henri Bornec, Claude Cuénot, Marie-Jeanne Durie, Henri Guillemin, Henri Lemaitre. Lecteur, Daniel Huvernel, Jean Negroni et Nelly Borgeau. Ce que nous cherchons dans ces programmes, c'est moins à présenter une œuvre qu'à montrer ce qu'elle a révélé de juste et de nouveau. La semaine dernière, Serge Jouet a fait une émission sur Rimbaud. Aujourd'hui, ce sera Verlaine. Le 18 juin, pour terminer la saison 1965-1966 de l'analyse spectrale de l'Occident, je présenterai Victor Hugo de 1871 à 1885. La diversité de ces sujets, le génie de ces grands écrivains qui ont tous trois apporté à la poésie quelque chose que personne autre n'avait jamais vu, cela ne doit pas nous dissimuler la poésie en général, telle qu'elle apparaît pour tout le monde de 1870, date de la publication des Fêtes Galantes et de la Bonne Chanson de Paul Verlaine, à 1885, date de la mort de Hugo. Même si ces vues d'ensemble nous obligent à faire état d'œuvres qui ne sont, en 1966, que des curiosités, cette enquête est indispensable, car c'est en partant de ce milieu commun qu'on peut repérer l'allure et l'intensité des œuvres vraiment agissantes. Depuis 1865, la poésie régnante, c'est la poésie parnassienne. En 1866, il a 22 ans, Verlaine publie 8 poèmes saturniens dans le Parnasse contemporain que dirige Catulle Mendès. C'est de Lecomte de Lisle et de Banville que se réclame cette nouvelle école, à qui Théophile Gautier, le poète impeccable, a en plus donné le goût du pittoresque serré et de la description minutieuse. De Lecomte de Lisle, ses disciples ont retenu une notion rigoureuse de l'art. Le beau ne sert à rien, il doit être à l'écart, impassible, disait Gautier, et un beau poème, selon Lecomte de Lisle, est quelque chose d'aussi exclusif qu'une statue, un tableau. Un poème repose sur le choix et le rapprochement des mots qui doivent s'accoupler par une sorte de liaison harmonique, comme les couleurs et les lignes. Souvenons-nous de Niobé, comme un grand corps taillé par une main habile, le marbre te saisit d'une étreinte immobile. Et cette emprise de la forme, condition et fin dernière de l'art poétique, donne à la poésie une vibration concentrée, gouvernée, maîtrisée, qui préserve la poésie de cette invention par l'épanchement du poétique à tout bout de champ qui a livré la poésie romantique, dont Lecomte de Lisle dénonce la fantaisie arbitraire, aux impulsions, aux élans désordonnés, traduits par des moyens d'expression « va comme je te pousse ». Pauvre Jean, dira Paul Verlaine, l'art n'est pas d'éparpiller son âme, est-elle en marbre ou non la Vénus de Milo ? Jean Negroni va lire l'épilogue des poèmes saturniens, texte où Verlaine affirme hautement la condition énergique du travail et les moyens les plus abstraits pour devenir ce personnage infini et singulier, l'homme qui chante une œuvre d'une intensité et d'une pureté extraordinaire. Ah, l'inspiration superbe et souveraine, l'égérie au regard lumineux et profond, le génium commode et les râteaux soudaines, l'ange des vieux tableaux avec des ors au fond, la muse, dont la voix est puissante sans doute, puisqu'elle fait d'un coup dans les premiers cerveaux, comme ces pissenlits dont s'émaille la route, pousser tout un jardin de poèmes nouveaux, la colombe, le Saint-Esprit, le Saint-Délire, les troubles opportuns, les transports complaisants, Gabriel et son luth, Apollon et sa lyre. Ah, l'inspiration, on l'invoque à 16 ans. Ce qu'il nous faut à nous, les suprêmes poètes qui vénérons les dieux et qui n'y croyons pas. À nous, dont nul rayon n'auréola les têtes, dont nulle Béatrix n'a dirigé les pas. À nous qui ciselons les mots comme des coupes et qui faisons des vers émus très froidement. À nous qu'on ne voit point les soirs aller par groupes, harmonieux au bord des lacs et nous pâmant. Ce qu'il nous faut à nous, c'est aux lueurs des lampes la science conquise et le sommeil dompté. C'est le front dans les mains du vieux Faust des estampes, c'est l'obstination et c'est la volonté. C'est la volonté sainte, absolue, éternelle, cramponnée au projet comme un noble condor, au flanc fumant de peur d'un buffle, et d'un coup d'aile en portant son trophée à travers les cieux d'or. Ce qu'il nous faut à nous, c'est l'étude sans trêve, c'est l'effort inouï, le combat non pareil, c'est la nuit, l'âpre nuit du travail, d'où se lève lentement, lentement l'œuvre, ainsi qu'un soleil. Libre à nos inspirés cœurs qu'une œillade en flamme, d'abandonner leur être au vent comme un boulot. Pauvres gens, l'art n'est pas d'éparpiller son âme. Est-elle en marbre ou non, la Vénus de Milo? Nous donc, sculptons avec le ciseau des pensées le bloc vierge du beau, par os immaculé. Et faisons-en surgir, sous nos mains empressées, quelques pures statues au péplos étoilé, afin qu'un jour, frappant de rayons gris et roses, le chef-d'œuvre serein, comme un nouveau même nom, l'aube postérité, fille des temps moroses, fasse dans l'air futur retentir notre nom. J'ai changé du tout au tout comme individu, dira Paul Verlaine en 1881. Mais je m'honore d'être resté avec les poètes, jeunes encore, à l'heure qu'il est, qui débutèrent dans le Parnasse de 1866. Ce groupe fut convaincu, tenace, ardent, et combattit le bon combat. Le maître du Parnasse en 1866, c'est le comte de Lille, et son rêve marmoréen, ne pas pêcher l'art en eau trouble, mais le cerner par des visions bien définies. Le maître, c'est aussi Banville. Théodore de Banville, l'évocateur du Pierrot des Folies Nouvelles, Banville surtout qui a forcé le rythme à se plier à ses caprices. Ses enjambements, ses déhanchements, ses déboîtements restituent le double vertige du monde et le désarroi de la vie, ce que Banville appelle l'attrait du gouffre d'en haut. Un poème de Verlaine, extrait de Sagesse, Sagesse a été écrit en 1880, tout en évitant le jeu verbal et l'ivresse de virtuosité qui encombre souvent les poésies de Banville, ce poème de Sagesse relance cette inspiration entre ciel et terre, ce pied, comme dit Paul Claudel parlant de Verlaine, ce pied qui refuse de céder à l'aile et qui continue à chercher douloureusement son chemin dans la boue. Cependant qu'au-dessus de lui, le membre spirituel essaie désespérément de s'élever. Du fond du grabat as-tu vu l'étoile que l'hiver dévoile, comme ton cœur bat, comme cette idée, regret ou désir, ravage à plaisir ta tête obsédée, pauvre tête en feu, pauvre cœur sans Dieu. L'ortie et l'herbette, au bas du rempart d'où l'appel frais part d'une aigre trompette, le vent du coteau, la Meuse, la goutte qu'on boit sur la route, à chaque écriteau, les sèves qu'on hume, les pipes qu'on fume, un rêve de froid. Que c'est beau la neige et tout son cortège dans leur cadre étroit. Ô tes blancs arcanes, nouvel archangel, mirage éternel de mes caravanes. Ô ton chaste ciel, nouvel archangel. Cette ville sombre, tout est crainte ici. Le ciel est transi d'éclairé tant d'ombre. Les pas que tu fais parmi ces bruyères lèvent des poussières au souffle mauvais. Voyageur si triste, tu suis quelle piste? C'est l'ivresse à mort, c'est la noire orgie. C'est l'amer effort de ton énergie vers l'oubli dolent de la voix intime. C'est le seuil du crime. C'est l'essor sanglant. Oh, fuis la chimère, ta mère, ta mère. Quelle est cette voix qui ment et qui flatte? Ah, ta tête plate, vipère des bois. Pardon et mystère, laisse ça dormir. Qui peut, sans frémir, juger sur la terre? Ah, pourtant, pourtant, ce monstre impudent, la mer, puisse-t-elle laver ta rancœur, la mère au grand cœur, ton aïeul, celle qui chante en berçant ton angoisse atroce, la mère, doux colosse au sein innocent, grondeuse infinie de ton ironie. Tu vis sans savoir, tu verses ton âme, ton lait et ta flamme, dans quel désespoir. Ton sang qui s'amasse en une fleur d'or n'est pas prêt encore à la dédicace. Attends quelque peu. Ceci n'est que jeu. Cette frénésie t'initie au but. D'ailleurs, le salut viendra d'un messie dont tu ne sens plus depuis bien des lieux les effluves bleues sur tes bras perclus. Naufragé d'un rêve qui n'a pas de grève. Vise en attendant l'heure toute proche. Ne sois pas prudent. Trêve à tout reproche. Fais ce que tu veux. Une main te guide à travers le vide affreux de tes vœux. Un peu de courage, c'est le bon orage. Voici le malheur dans sa plénitude, mais à sa main rude, quelle belle fleur. La brûlante épine, un lys est moins blanc, elle montre au flanc et l'odeur divine, elle montre au cœur le parfum vainqueur. Pourtant je regrette, pourtant je me meurs, pourtant ces deux cœurs. Lève un peu la tête. Eh bien, c'est la croix. Lève un peu ton âme de ce monde infâme. Est-ce que je crois? Qu'en sais-tu? La bête ignore sa tête. La chair et le sang méconnaissent l'acte. Mais j'ai fait un pacte qui va m'enlaçant à la faute noire. Je me dois à mon tenace démon. Je ne veux point croire. Je n'ai pas besoin de rêver si loin. Aussi bien, j'écoute des sons d'autrefois, vipère des bois encore sur ma route. Cette fois tu mords. Laisse cette bête. Que fait, ô poète? Que sont des cœurs morts? Ah, plutôt, oublie ta propre folie. Ah, plutôt, surtout douceur, patience, mi-voix et nuance, et paix jusqu'au bout. Aussi bon que sage, simple autant que bon, soumet ta raison au plus pauvre adage, naïf et discret, heureux en secret. Ah, surtout, terrasse ton orgueil cruel, implore la grâce d'être un pur Abel, finis l'Odyssée dans le repentir d'un humble martyr, d'une humble pensée. Regarde au-dessus. Est-ce vous, Jésus? À côté du Parnasse, loin des écoles, et n'en ayant pas besoin pour se soutenir, il y a Baudelaire, Baudelaire sur qui Verlaine a écrit un article enthousiaste en 1865. Un article qui exprime, il est vrai, une fidélité à un Baudelaire impassible, un Baudelaire vivant dans un dandysme épris des seules rimes, un Baudelaire trop tiré à quatre épingles, sans tremblement et plus proche des Parnassiens que Baudelaire ne l'est vraiment. Dès 1852, en effet, dans un article de l'Art romantique, Baudelaire, contre les Parnassiens, avait dénoncé les sécheresses de l'ordre plastique où, disait-il, l'homme entier s'évanouit. Mais les silences de Verlaine en 1865 sur cette question prouve tout au plus sa complicité tactique avec l'école parnassienne, sans qu'il s'enroule pieds et poings au caducé du tuteur Lecomte de Lisle, puisque dès la bonne chanson 1870, Verlaine retient de l'influence baudelairienne le pathétique de la vie moderne. Voici un texte de la bonne chanson, texte numéro 16, lu par Daniel Hivernel. Le bruit des cabarets, la fange du trottoir, les platanes déchus s'effeuillant dans l'air noir, l'omnibus, ouragan de ferraille et de boue qui grince mal assis entre ses quatre roues et roule ses yeux verts et rouges lentement, les ouvriers allant au club tout en fumant leur brûle-gueule au nez des agents de police, toi qui dégoûtes, mur suintant, pavé qui glisse, bitume défoncé, ruisseau comblant l'égout, voilà ma route, avec le paradis au bout. L'influence baudelairienne, dira Verlaine dans ses Confessions publiées en 1895, cette influence n'a fait que grandir et alors s'élucider, se logifier avec le temps. Et en effet, après le Baudelaire peintre de la vie moderne, cette vie moderne que le comte de Lisle méprisait et fuyait à coups de visions exotiques, il y aura, sur Verlaine, l'influence du Baudelaire calfeutré, du Baudelaire voluptueux, gonflé par les souvenirs et les rêves tendres, et cela dans bien des poèmes de la bonne chanson qui seront lus tout à l'heure. Enfin, après les Parnassiens, après Baudelaire, la poésie en 1870-1880, c'est Hugo. Hugo, à qui Verlaine écrit assez librement pour lui demander d'intervenir dans sa vie privée, à qui il envoie des vers en 1876, Hugo lui répondra d'ailleurs « Vos vers sont tout bonnement superbes », Hugo, sur qui, enfin, il a écrit un poème en 1881, poème qui est en fait une valse des adieux. « J'aime Dieu, son Église, et ma vie est de croire, tout ce que vous tenez, hélas, pour dérisoire. » En fait, Victor Hugo a ouvert à la poésie la voie de l'invention et de l'aventure. « Je suis celui que rien n'arrête, celui qui va, celui dont l'âme est toujours prête. » Hugo a su emmener le poème que rien n'arrête et qui jamais ne se hâte jusqu'à la voyance, jusqu'aux portes visionnaires du ciel sacré, un monde imaginaire qui est encore le monde réel, mais total. À sa mort en 1885, Hugo fait figure de survivant. Après lui, la poésie romantique, qui par sa présence a passé sa durée naturelle, cette poésie disparaîtra d'un coup et on aura l'impression qu'elle était déjà morte depuis bien longtemps. Par réaction, après Hugo, la poésie, au lieu de s'accorder à l'épopée pour enorgueillir le monde, sera désormais manœuvrée de plus près par touches subtiles et insaisissables. Au déploiement, elle préférera la réaction la plus imprévue, une traduction plus immédiate du senti. Elle enfermera le rêve dans l'abolition du secret et de l'ascèse mystique. « Ôtez toute chose que j'y vois », dira M. Teste, et Verlaine, « la pauvreté d'esprit et Dieu pour toi, monte ravie dans la nuit blanche et noire. » Si Verlaine a toujours été un poète trop incarné pour céder à la logique elliptique et désintégrante de Mallarmé et des symbolistes, Verlaine dira d'ailleurs en 1891, en réponse à une enquête, « Le symbolisme, comprend pas. Ça doit être un mot allemand. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Quand je souffre, quand je jouis ou quand je pleure, je sais bien que ce n'est pas du symbole, et je ne vois rien dans mon instinct qui me force à chercher le pourquoi du pourquoi de mes larmes. » Eh bien, ce Verlaine qui vit par le centre de lui-même est pourtant lui aussi le poète d'éléments impondérables, éléments qui, en étoiles rayonnantes autour du monde, mettent un matin de printemps en intrication spirituelle. Voici un texte extrait d'Amour, publié en 1888. La belle au bois dormait, Cendrillon sommeillait, Madame Barbe Bleue, elle attendait ses frères, et le petit pousset, loin de l'ogre si laid, se reposait sur l'herbe en chantant des prières. L'oiseau couleur de temps planait dans l'air léger qui caresse la feuille au sommet des bocages. Très nombreux, tout petits, et rêvant d'ombrager semailles, fenaisons et les autres ouvrages. Les fleurs des champs, les fleurs innombrables des champs, plus belles qu'un jardin où l'homme a mis ses tailles, ses coupes et son goût à lui, les fleurs des gens flottaient comme un tissu très fin dans l'or des pailles, et fleurant simple, ôtait au vent sa crudité, au vent fort, mais alors atténué de l'heure où l'après-midi va mourir. Et la bonté du paysage au cœur disait « Meurs ou demeure ». Les blés encore verts, les seigles déjà blonds accueillaient l'hirondelle en leur flot pacifique. Un tas de voix d'oiseaux criaient vers les sillons si doucement qu'il ne faut pas d'autre musique. Peau d'âne rentre, on bat la retraite, écoutez, dans les états voisins de Riquet à la Houppe. Et nous joignons l'auberge enchantée, esquintée, le bon coin où se coupe et se trempe la soupe. Mais si le symbolisme fait du poète un illuminé, le réalisme et le naturalisme, qui ont ramené le roman vers l'observation sociale, cela peut favoriser, vers 1880, une poésie qui suit toutes les réactions de la foule. C'est alors le Verlaine revanchard et patriotique, le Verlaine aussi qui fixe la vie quotidienne, les fêtes foraines, les chants, les tirs, les badauds piétinant devant le pitre dans la boue, les quais semés d'affreux bouquins moisis, la Seine qui traîne dans Paris, son cours de vieux serpents, etc., etc. C'est aussi l'ironique anarchiste qui, dans Monsieur Prudhomme, s'amuse à dissoudre l'ennui bête, les conformismes et le cérémonial du bourgeois. Le bourgeois épars et multiforme, dira-t-il en 1881, il est partout et il est tout. Il est partout, même à l'enterrement, un poème de 1864, un poème qui, selon Jacques-Henri Bornec, transpose l'enterrement à Ornans de Courbet, mais le transpose à la manière de Daumier. Je ne sais rien de gai comme un enterrement. Le fossoyeur qui chante et sa pioche qui brille, la cloche au loin dans l'air lançant son svelte trille, le prêtre en blanc surplis qui prie allègrement, l'enfant de cœur avec sa voix fraîche de fille. Et quand au fond du trou, bien chaud, douillettement s'installe le cercueil, le molle éboulement de la terre et d'redon du défunt, heureux de rire. Tout cela me paraît charmant en vérité. Et puis, tout rondelait sous leur frac écourté, les croque-morts au nez rougi par les pourboires. Et puis, les beaux discours concis mais pleins de sens. Et puis, cœur élargi, front où flotte une gloire, les héritiers resplendissants. Verlaine, railleur, satirique, anarchiste, c'est enfin le poète qui se moque du poétique, ou plutôt qui, après Hugo, entreprend de mettre un bonnet rouge au vieux dictionnaire et se mêle de faire chanter ceux qui traînent en parlant. Je crache pas sur Paris, c'est rien chouette. Mais comme j'ai une âme de poète, tous les dimanches, je sors de ma boîte et je m'en vais avec ma compagne à la campagne. Nous prenons un train de banlieue qui nous brouette à quelques lieues dans le vrai pays du petit bleu, car on ne boit pas toujours de champagne à la campagne. Elle met sa robe de la reine blanche, moi j'emporte ma pipe la plus blanche, j'ai pas de chemise mais je mets des manches, car il faut bien que l'élégance règne à la campagne. Ainsi se sont développées par voie de conséquence ou de réaction, autour de la poésie, les tendances littéraires dont le mélange original a concouru à la formation de la poésie moderne. Mais cette enquête laisse passer, évidemment, l'élément essentiel qui est le tempérament personnel de Verlaine. Tout à l'heure, Claude Queneau nous montrera que la matière de Verlaine peut être baudelairienne, rimbaldienne ou coppéenne, l'âme reste verlainienne. S'il cède son royaume pour un cheval, ce royaume est tenace, irréductible, impénétrable. C'est le souvenir de son enfance, l'attachement à sa mère, l'écho des choses d'autrefois, le passé dormant et qu'un bruit de cloche suffit à réveiller, comme dans cette nativité extraite de Bonheur, Bonheur publié en 1891, 5 ans avant sa mort. La neige à travers la brume tombe et tapisse sans bruit le chemin creux qui conduit à l'église où l'on allume pour la messe de minuit. Londres sombre flambe et fume. Oh, la chair qui s'y cuit et la boisson qui s'ensuit. C'est Christmas et sa coutume, de minuit jusqu'à minuit. Sur la plume et le bitume, Paris bruit et jouit. Ripaille et plaisant déduit, sur le bitume et la plume, s'exaspère des minuit. Le malade en l'amertume, de l'hospice où le poursuit, un espoir toujours détruit, s'épouvante et se consume dans le noir d'un long minuit. La cloche au son clair d'enclume dans la tour fine qui luit, loin du péché qui nous nuit, nous appelle en grand costume à la messe de minuit. Si l'art poétique de Verlaine est composé tardivement en 1874, il a 30 ans et publié ses plus beaux poèmes, c'est sans doute parce qu'il avait tout le temps. À quoi bon voir écrit noir sur blanc ce qu'il n'a jamais cessé d'écouter? Et ce qu'il n'a jamais cessé d'écouter, c'est ce signe par lequel Paul Claudel résumait son œuvre, Verlaine, le fils de l'Ardenne et de l'Ardoise, le poète de la nuance, du ciel d'automne, le poète des étangs noirs, le poète de la résine et de l'eau sous l'herbage. Verlaine, le poète du terroir, ou plutôt du territoire mystique de la forêt d'Ardenne. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne attiédi le bleu fouillis des claires étoiles, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule fiance le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui le cou. Tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où. Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime? De la musique encore et toujours. Que ton vers soit la chose envolée qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux, à d'autres amours. Que ton vers soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym. Et tout le reste est littérature. Voyons maintenant, avec Henri Lemaître, auteur d'un livre « La poésie depuis Baudelaire », publié chez Armand Collin, ce que Verlaine a d'irremplaçable. Je crois pour ma part que la place de Verlaine dans l'histoire de la poésie moderne est très importante. Le symbole, chez lui, il cesse d'être une sorte de dépassement de l'image, ce qu'il était traditionnellement. Il devient une réalité originale. Lorsque Verlaine, par exemple, associe un paysage, un élément de paysage avec une sonorité et avec un rythme impair, il constitue une unité poétique. Une unité poétique où, justement, le symbole opère cette réunion d'une sensation, n'est-ce pas, d'une intuition et enfin de ces éléments de langage que sont le rythme et les sonorités. Je crois que Verlaine a fait beaucoup pour dégager le langage poétique de ce qu'il appelle lui-même la littérature. À la fin de son célèbre art poétique, il dit « Tout le reste n'est que littérature ». Cette opposition entre poésie et littérature me paraît absolument capitale. Justement, le symbole chez Verlaine n'est plus un artifice littéraire, il n'est plus un procédé littéraire, il ne relève plus d'une rhétorique. Il devient véritablement un acte musical, c'est-à-dire que là encore, on retrouverait cette recherche de la proximité, de la contiguïté immédiate entre l'impression intérieure ou l'image intérieure et le langage qui est chargé non pas de l'exprimer, ni même, comme on dit quelquefois, de l'exsuggérer, mais plus exactement peut-être de susciter sa présence. C'est l'extase langoureuse. C'est la fatigue amoureuse, c'est tous les frissons des bois parmi l'étreinte des brises. C'est vers les ramures grises le cœur des petites voix. Oh, le frais murmure, cela gazouille et susurre, cela ressemble au cri doux que l'herbe agitée expire. Tu dirais sous l'eau qui vire le roulis sourd des cailloux. Cette âme qui se lamente en cette plainte dormante, c'est la nôtre, n'est-ce pas? La mienne, dit, et la tienne, dont s'exhale l'humble ancienne par ce tiède soir, tout bas. Commentant dans l'édition des œuvres complètes au Club du meilleur livre, le poème que Nelly Bourgeot vient de lire, Octave Nadal écrit « Le songe qui démantèle l'âme, lui arrache le sentiment de sa durée, sa singularité, et jusqu'au souvenir de ses propriétés. Le moi se fond au chant universel, il se sent impersonnel, l'ariette de toutes les lyres, il boit aux sources de l'unanime. Eh bien, cette désappropriation chez Verlaine va de pair avec une plasticité à toutes les suggestions de la poésie, de toutes les poésies dont le songe est vérité. Claude Queneau, qui a publié en 1963 « Le style de Paul Verlaine », nous parle de cet étrange mimétisme propre à Verlaine et aussi de cet étrange contrepoids qui des autres le ramène sans cesse à lui-même, à ses certitudes, à ses solidités. Au point de départ de la création artistique, on relève le plus souvent un choc existentiel. Certes, une expérience vitale n'est pas toujours un matériau utilisable, mais c'est l'élaboration de la sève brute est facilitée par un fait psychologique bien connu. Presque tous les hommes fabulent leur propre vie. L'homme descend du songe. Mais le rêve ne se confond pas avec l'inspiration poétique, car celle-ci, malgré sa fièvre et l'impérieux besoin de se délivrer d'une obsession, est une rêverie éminemment volontaire, lucide et dirigée, qui exige un don. L'artiste a une vision à traduire, mais la littérature ne naît que de la littérature, et l'oiseau ne chante bien que dans son arbre généalogique. C'est dire que l'artiste, dans la plupart des cas, ne saurait se passer d'un médiateur, d'un intercesseur. Ces quelques prémices permettront de pressentir le mécanisme original de la création verlainienne, dont le rythme fondamental, à travers un déconcertant polymorphisme, demeure assez pareil à lui-même. En très gros, le voici. Verlaine est un poète sentimental, un poète du lied, au romantisme intériorisé. Il ne peut donc guère écrire sans choc vital, sans une expérience existentielle. C'est un poète secret, et de plus un dévoyé roublard, un faux sincère, qui se transforme en avocat retors, avec de temps en temps des sincérités calculées. Verlaine, pour exprimer son paysage intérieur, a besoin d'un médiateur poétique. Et comme il change fréquemment de manière, ce grand liseur a recours à des médiateurs variés, si bien qu'il reflète une bonne partie de la vie littéraire et artistique de son temps. Le jour où il ne trouvera plus de médiateur, sa poésie en périra, comme un navigateur privé de vitamines. Verlaine est un poète d'une extrême originalité, poète phénoméniste, parfois transverbéré par un éclair de transcendance, poète du rêve éveillé et des données immédiates de la conscience, poète de la fadeur, c'est-à-dire de la rencontre de sensations atténuées, quasi mourantes, et d'un moi qui se dépersonnalise et s'étonne d'être encore un jeu, d'où cette impression d'étrangeté au plein sens du mot, à savoir d'écho d'un monde étranger, retentissant dans un moi devenu étranger à lui-même, Verlaine a découvert quelque chose d'inouï et qui mourra en même temps que lui. Traduisant des musiques inconnues avant lui, il ne pourra réagir en face de ses médiateurs qu'en hérétique. Malgré ses dons de pasticheur, comparables à ceux de Proust, il redevient chaque fois qui il est. Ce n'est qu'après ce long détour d'expérience, de camouflage, de fabulation, d'appel aux intercesseurs et d'hérésie, qu'apparaissent les œuvres, elles-mêmes d'ailleurs singulièrement polyvalentes, même quand elles présentent une apparente unité. Or, il suffit de survoler brièvement deux ou trois épisodes appartenant à la période créatrice de Verlaine pour voir fonctionner ce mécanisme, ou plus exactement jouer ce rythme à travers, Dieu merci, les imprévus de la vie. À la veille des poèmes saturniens, Verlaine, malgré sa gaieté bruyante de boulevardier, est un triste, un solitaire et un malheureux, en pleine crise morale. Ballotté de ça, de là, pareil à la feuille morte, docile à tous les vents mauvais, il se sent déjà perdu. Il lui faut un intercesseur. Toute sa vie, l'homme Verlaine en cherchera. Et cet intercesseur, il l'a trouvé en sa cousine Elisa Moncomble, plus âgée que lui et qui bientôt épousera le cousin du jardin, un sucrier du Nord. Nous devinons mal ce que furent leurs amours, certainement purs. Elisa joua sans doute à la grande sœur, avec un peu de coquetterie féminine, et plus tard, la peur du qu'en dira-t-on. Il y eut des aveux, sans doute, un premier baiser, peut-être suivi d'autres, et cela n'alla pas plus loin. Il fallait dire cela, et en même temps le camoufler. Ce camouflage fut si parfait qu'il fallut la perspicacité de Jacques-Henri Bornec pour mettre en lumière l'inspiration personnelle des poèmes saturniens. Mais la pensée poétique exige un ou plusieurs médiateurs littéraires. Dans la confuse époque où il vivait, le poète, déjà polymorphe, ne pouvait manquer d'obéir à maintes sollicitations. Il n'est pas question ici de les dénombrer. Notons simplement une influence fondamentale. Sensuel et déboussolé, tenaillé de remords, s'efforçant déjà de rendre la sensation vécue, il ne pouvait manquer d'être attiré par ce romantisme intériorisé qu'est celui de Baudelaire. Mais Verlaine est un poète original. Toute influence est chez lui aussitôt déviée, comme une particule dans un champ magnétique puissant. Verlaine, cet artiste qui a beaucoup lu, mais toujours en diagonale, apparaît comme un hérétique né. Il trouvait en Baudelaire une poésie connaissance, qui suppose un tissu complexe de correspondances, un réseau de rapports analogiques entre le réel et l'irréel, le connu et l'inconnu. Mais cet immense système symbolique n'intéresse pas Verlaine, aussi peu doué pour la philosophie que pour la critique. Dans le fameux sonnet des correspondances, ce qui le séduit, ce sont les tercets, les correspondances entre les sensations, porte ouverte aux synesthésies. Eh bien, il est temps d'illustrer nos dires. Voici « Crépuscule du soir mystique », qui fait partie de la série des paysages tristes, dans ce recueil juvénile que sont les poèmes saturniens, 1866. Le souvenir avec le crépuscule rougeoie et tremble à l'ardent horizon de l'espérance en flamme qui recule et s'agrandit ainsi qu'une cloison mystérieuse. Où maintes floraisons, dahlia, lys, tulipe et renoncule, s'élancent autour d'un treillis et circulent parmi la maladive exhalaison de parfums lourds et chauds, dont le poison, dahlia, lys, tulipe et renoncule, noyant mes sens, mon âme et ma raison, mêle dans une immense pâmoison le souvenir avec le crépuscule. Il n'est pas question de commenter à fond cet extraordinaire essai de transposition descriptive d'un ravissement qui échappe en définitive à toute intellectualité. C'est la formule de Jacques-Henri Bornec. C'est bien, comme l'avait reconnu Jules Lemaître, un exemple de poésie purement symboliste, où dans une expérience pleinement irrationnelle se fondent le souvenir, le crépuscule et l'espérance, où, comme dit excellemment Jacques-Henri Bornec, le poète a voulu et su appliquer à un état de pénétration poétique l'extase proprement mystique décrite par sainte Thérèse d'Avila. Le contenu autobiographique est mince. Le poète, séparé d'Elisa, s'efforce d'espérer. Mais cet amour est déjà malheureux. Les souvenirs accablent Verlaine, et sa tristesse ouvre grande la porte à toutes les tentations, d'où cette atmosphère vénéneuse. Les réminiscences baudelairiennes sont évidentes, et on pourrait tenter un rapprochement avec Harmonie du soir, avec ses correspondances de sensations. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. Le 12 février 1867, mourait Elisa. Verlaine ne se consola jamais de cette mort et se mit à sombrer encore plus bas. Certes, en tant qu'alibi esthétique, les fêtes galantes apportent une exceptionnelle réussite, l'œuvre formellement la plus parfaite de Verlaine. Mais il m'est hélas impossible, dans le temps qui m'est imparti, d'en analyser la signification exacte, car toute schématisation en l'espèce serait inacceptable. En tout cas, ce n'est pas en fréquentant le salon bohème, canaille et déjà surréaliste de cette folle de Nina de Callias que le poète pouvait s'arracher à ses démons familiers. Mais, avant de se noyer dans l'absinthe, Verlaine, en un dernier sursaut, s'agrippe à une oie blanche, Mathilde Mottet de Fleurville, qui n'avait pas 16 ans. En robe grise et verte avec des ruches, un jour de juin que j'étais soucieux, elle apparut souriante à mes yeux, qui l'admiraient sans redouter d'embûche. Et voici Mathilde intercesseur, succédant à Elisa. Et voici notre poète converti au bien, à la joie, à l'amour, le vrai, celui qui réconcilie la passion et la chair. Je veux, guidé par vous, beaux yeux aux flammes douces, par toi conduite, aux mains où tremblera ma main, marcher droit, que ce soit par des sentiers de mousse ou que rocs et cailloux encombrent le chemin. Oui, le poète, en gros, put marcher droit, au prix de quelques crochets. Et la bonne chanson, publiée en 1870, en témoigne, en passant sous silence, ou en se contentant de suggérer les crochets imposés par divers rocs et cailloux. Loin de Verlaine, désormais, ses efforts pré-impressionnistes pour rendre la sensation, ses fièvres, ses pamoisons, ses remords qui affolent, ce tourbillonnement de la feuille morte ou de la fête, désormais le poète, qui fut toujours le plus bourgeois des hommes, dépose ce masque de boulevardier ricanaire et se voit restituer à sa classe sociale et au réel, ce que les bourgeois appellent le réel, où toute chose est bien étiquetée et bien à sa place, hors des fantasmes du rêve qui déplacent toutes les valeurs et brouillent tout dans une immense pâmoison. Pour chanter ces bonnes résolutions, sous quel signe littéraire Verlaine va-t-il se placer? Il lui faut un poète à la fois réaliste, intimiste et bourgeois, capable de chanter ce Paris dégoûtant de fange, avec le paradis au bout, l'heure du thé fumant, du livre fermé, de la rêverie le doigt contre la tempe. Après Baudelaire et Watteau, ce sera Copé. Après la carpe et le brochet, le limaçon de la poésie, déjà mûr pour l'Académie et les anthologies d'école primaire. Voici une pièce caractéristique de ce nouveau style. Bonne chanson, pièce 14. Le foyer, la lueur étroite de la lampe, la rêverie avec le doigt contre la tempe, et les yeux se perdant parmi les yeux aimés, l'heure du thé fumant et des livres fermés, la douceur de sentir la fin de la soirée, la fatigue charmante et l'attente adorée de l'ombre nuptiale et de la douce nuit. Oh, tout cela, mon rêve attendri le poursuit sans relâche, à travers toute remise vaine, impatient des mois, furieux des semaines. Et voici, par curiosité, un fragment du prototype de François Copé qui figure dans Les Intimités, pièce 15, le recueil étant paru en 1867. J'en ai quelquefois pour des heures à me bercer alors d'espérances meilleures, à rêver d'un doux nid, d'un amour de mon choix et d'un bonheur très long, très calme et très bourgeois. J'imagine déjà la saveur indicible du livre qu'on ferait près du foyer paisible, tandis qu'une adorée aux cheveux blonds ou noirs promènerait les flots neigeux de ses peignoirs par la chambre à coucher étroite et familière, pour allumer la lampe et remplir la théière. René Jasinski, dans Le Figaro du 2 août 1924, a excellemment souligné l'originalité de Verlaine. Est effacé tout ce qui était trop matériel et par là même prosaïque. Et puis Verlaine a unifié, concentré l'évocation. Il s'est gardé d'insister sur le caractère habituel de ce bonheur. L'habitude, par essence, n'est-elle pas opposée à la poésie? Mais il y a plus. Ce tableau n'a de sens que par le sentiment qui le domine. Copé avait fait une part égale à la joie de l'âme et au plaisir de confort. Il n'en est pas ainsi pour Verlaine. Il songe à la douceur du foyer, mais parce qu'elle permet à l'amour de s'épanouir pleinement. Il rêve une tendre intimité, mais celle de deux âmes qui s'aiment et se comprennent. C'est ainsi que sa pièce, très simple elle aussi, et tout imprégnée de sensations, s'élargit et s'idéalise. Le mariage de Verlaine ne survécut pas au désastre de 1870. Alors apparut un troisième intercesseur, l'adolescent Rimbaud. Les romances sans parole sont en partie nées de Rimbaud. On décèle en effet, dans la liaison Verlaine-Rimbaud, un aspect hautement spirituel. Le vent des cimes peut bien rider une mare à Purin. La petite chatte blonde à l'égard de Verlaine se montra terriblement exigeante et galvanisa la poésie de pauvre Lélian. Celui-ci avait déjà, avec les fêtes galantes, atteint un sommet. Les romances, parues en 1873, en représentent un second. Jamais le poète, sous le signe farouche du fauve Rimbaud, ne fut aussi lui-même. Tout en s'efforçant de rimbaldiser à sa manière, par exemple dans la deuxième Ariette, où se retrouve le désordre sacré de tous les sens. Là encore, Verlaine, en face de Rimbaud, réagit en hérétique. Si les rapports personnels entre les deux hommes furent orageux, prises, brouilles, reprises et batailles au couteau, leur intimité spirituelle fut également déchirée d'éclairs. En fait, les deux artistes vécurent spirituellement en pleine mésentente. Certes, ils agirent l'un sur l'autre, mais Verlaine ne comprit pas grand-chose aux ambitions métaphysiques et démiurgiques, à la poésie cosmique et surréaliste de son jeune compagnon. Et celui-ci tournait en dérision cette palette impressionniste et cette magie bourgeoise, car Verlaine, poète du Lied, poète intimiste et sentimental, est un peu le Schumann de la poésie française. Certes, certains poèmes des romances sans parole semble suggérer une mutation de la poésie verlainienne. Et je pense ici au poème final du recueil « Beams » qui date de 1873, où, comme dit très justement Jacques-Henri Bornec, Verlaine décrit le miracle d'une femme ou d'une jeune fille, anonyme et radieuse, qui abandonne le pont du bateau pour marcher sur la mer, tandis que la suivent sans peine ni surprise tous ceux qui ont foi en elle. Le poème est si habile que l'on passe tout uniment et sans surprise du naturel au surréel. Hélas, cette tentative surréaliste fut sans lendemain. Elle voulut aller sur les flots de la mer. Et comme un vent bénin soufflait une embellie, nous nous prêtâmes tous à sa belle folie et nous voilà marchant par le chemin amer. Le soleil luisait haut dans le ciel calme et lisse, et dans ses cheveux blonds c'étaient des rayons d'or, si bien que nous suivions son pas plus calme encore que le déroulement des vagues. Ô délice! Des oiseaux blancs volaient alentour mollement, et des voiles au loin s'inclinaient toutes blanches. Parfois de grands varechs filaient en longues branches, nos pieds glissaient d'un pur et large mouvement. Elle se retourna, doucement inquiète, de nous croire pas pleinement rassurés. Mais nous voyant joyeux d'être ses préférés, elle reprit sa route et portait haut la tête. En prison, si féconde toutefois en chef-d'œuvre sous l'effet de la conversion, la magie rimbaldienne s'évapore. Reprenons la célèbre chanson « Le ciel est par-dessus le toit ». Ce n'est pas sa beauté qui est en cause, c'est un des chefs-d'œuvre de Verlaine, mais le fond même. Ce poème, sous l'influence du remords, apporte une remise en place des choses. Le ciel, l'arbre, la cloche, l'oiseau, les bruits de la ville. Les choses retrouvent un nom, un lieu, une hiérarchie. Ce n'est pas forcément la prose, mais enfin, les voilà étiquetés comme un beau musée, dans les cases en fin cristal. de la pensée du poète. Voici ce texte, auquel nous n'ajouterons pas un mot, car il condamne sans appel l'aventure rimbaldienne et sonne le glas de tout surréalisme. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. De quel Verlaine s'agit-il et quel lui-même est le vrai? C'est la question que pose Jacques-Henri Bornec au commencement du livre Verlaine par lui-même, livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil dans la collection Écrivain de toujours. Cette question, je crois que c'est la nôtre au point où nous en sommes de ce programme. Henri Lemaître et Claude Queneau, en effet, ont bien montré que Verlaine, avec une sorte de nonchalance et d'intransigeance en même temps, qui était dans sa nature, a très rapidement trouvé sa technique propre, l'identité de la poésie et de la musique. Mais nous avons vu que ces heures clémentes de l'inspiration ne délivraient pas Verlaine, ou tout au moins ne le délivraient qu'un moment. Le rêveur, le chanteur, n'efface qu'en partie l'anxiété qui est en lui. Et cet entretien avec Jacques-Henri Bornec, je crois que nous pourrions l'engager sur cette complexité de Verlaine, complexité qu'il souligne d'ailleurs au commencement de ce livre que je signalais tout à l'heure, complexité qu'un contemporain de Verlaine, Racco, a également signalé dans des termes extrêmement précis, nerveux, heurté, cherchant sa voix. Jacques-Henri Bornec. Cette complexité me paraît indéniable et mystérieuse à la fois. Verlaine n'a jamais nié qu'il fut double. Il aimait rappeler au mot duplex Paul Verlaine. Et cependant, il n'a cessé de dire, évidemment, assurant ses ennemis pour sa sauvegarde, il n'a cessé de dire, par exemple, dans un poème célèbre des romances sans parole, vous n'avez rien compris à ma simplicité, il n'a cessé de parler de simplicité, alors que ce sont des simplicités successives qui sont là pour mesurer tout ce qu'il peut faire contre le monde. En réalité, il est indéniablement complexe, complexe par caractère, complexe par hérédité, parce qu'il est à la fois romantique de cœur, mystique d'âme, révolté contre le romantisme et le mysticisme, terriblement sensuel et comment dirais-je, très hétérodoxe en matière de sensualité. On le sait, il suffit de penser à Rimbaud, à Viotti et à d'autres, et cependant attiré par les femmes. Et cette complexité est encore aggravé chez lui par le fait qu'il se refuse, par principe, à la fois par méfiance de l'humanité et par timidité, à toute confidence. Il a dit plusieurs fois dans des conférences en Belgique, de manière assez étonnante, enfin, il a livré cette phrase, il a dit « Ma vie a été de préférence, vous voyez que l'humour noir, de préférence douloureuse. » C'est le mot qu'une pudeur, et je crois que le mot très important chez un disciple de Lecomte de Lisle, c'est le mot qu'une pudeur m'empêchait de proférer il n'y a qu'un instant. Donc, vie secrète qui aggrave encore cette complexité. Et cette complexité même, si je puis dire, le condamnait à la poésie. Est-ce que c'est un sujet que vous voulez que nous traitons tout de suite ou... Ben, je crois en effet que, précisément, puisque Verlaine a essayé d'unifier sa vie par la poésie, même si cette poésie est pour lui, enfin, ce qu'il a dit tout à fait au commencement, c'est-à-dire une aventure, enfin, le poète est un fou perdu dans l'aventure, néanmoins, la poésie, le métier de poète, plutôt la vocation de poète, il en a quand même une idée extrêmement précise, surtout au départ. Enfin, le poète est un homme qui est malheureux, qui est livré à la foule, qui est livré au sarcasme, mais qui gagne en esprit ce qu'il perd sur le plan du temporel. C'est une idée, évidemment, qui n'est pas du tout originale, mais enfin, il faut partir de là, puisque Verlaine l'a quand même affirmé au départ dans un poème Torquato Tasso. Malheureux, oui, je ne sais pas, enfin malheureux, oui, naturellement dans le sens où Baudelaire a parlé du malheur béni du poète, n'est-ce pas, dans Bénédiction. Techniquement, Verlaine croit à autre chose au début. Vous me disiez, en effet, c'est une des grandes idées que j'ai essayé de développer dans ce petit livre, vous me disiez que Verlaine a toujours cru à la poésie, à la délivrance par la poésie. Oui, mais je me demande si dès le début, il a compris par quel moyen il se délivrerait. Je suis même persuadé du contraire. Sinon, l'ayant trouvé tout de suite, il aurait été heureux et il n'y aurait plus eu de Verlaine, ni de romance sans parole, ni pour revenir en arrière de fêtes galantes. C'est un peu le même cas que le cas de Stendhal avec la Chartreuse de Parme, si vous voulez. Si Stendhal avait été heureux, il aurait vécu. Il aurait été le héros de la Chartreuse de Parme et il ne l'aurait pas écrite. Verlaine a cherché toute sa vie différentes recettes, le mot est un peu vulgaire, mais enfin, différentes recettes techniques, différentes recettes morales, différentes recettes psychologiques de délivrance. Il les a trouvées chez le comte de Lisle, son maître, c'est la délivrance par l'objet, par l'art, n'est-ce pas, par la vertu de l'art, et ça vient du reste de Théophile Gautier, vous vous souvenez de la fin des Émaux et Camées, l'art robuste seul à l'éternité. Il a complété ça par des enseignements de Baudelaire, le malheur heureux du poète, la possibilité étant faible de sublimer cette faiblesse morale, intime, en force poétique, ce que n'enseigne pas le comte de Lisle, non pas qu'il ne soit pas faible, mais parce qu'il cache très bien sa vie privée, et surtout, ce qui me semble capital, il a trouvé le moyen, dès le début, de faire de ses faiblesses et de ses vices des éléments de grandeur et de beauté. Et c'est un mot que j'ai, excusez-moi de me citer moi-même, enfin que j'ai dit une fois, qui a suscité un petit scandale et que je crois plus vrai que jamais, et c'est ceci, en partant de La Rochefoucauld, je reste persuadé qu'il faudrait dire que les vices entrent dans la composition des vertus comme les poisons entrent dans la composition des beaux vers. C'est la tourbe qui produit les flammes les plus claires. Oui, et sur ce point, enfin plus sur des points d'ailleurs peut-être plus caractéristiques encore, parce que vous êtes en mesure de nous donner sans cesse des références de Verlaine qui sont extrêmement parlantes, vous nous faites toucher dans ce Verlaine par lui-même ce que vous appelez le drame psychosomatique de Verlaine. Enfin, c'est en effet l'usage maintenant dans l'histoire littéraire d'essayer de voir quelles ont été les commotions profondes, tout au moins les images qui servent à traumatiser un poète et à partir desquelles se fait son travail. Il est évident que chez ce Verlaine que vous nous avez représenté complexe, le monde lui-même est un monde tourbillonnant. Et quand on n'est pas dans la complexité, quand on n'est pas dans le tourbillon, on est dans une espèce de neutralité, d'indifférence, blême, enfin quelque chose qu'il a caractérisé dans un texte, combien au voyageur ce paysage blême te mira blême toi-même et que triste pleurait dans les hautes feuilles des espérances noyées. Mais justement, le dernier mot de ce poème nous fait venir à ce qui compose l'essentiel de cette analyse dans votre livre du drame psychosomatique de Verlaine. Le bateau ivre, c'est Rimbaud, le bateau perdu, c'est Verlaine. C'est un peu votre interprétation, mais oui. J'aimerais que vous développiez tout cela en nous donnant quelques références tirées de l'œuvre. Le bateau perdu, c'était aussi un des thèmes du maître commun de Verlaine, peut-être de Rimbaud, et en tout cas de Baudelaire, c'est-à-dire Edgar Poe. Une descente dans le maelstrom. Mais je crois que là encore, Verlaine a adapté, ou adopté, ou tout ce que vous voudrez, bien malgré lui, parce qu'il y était contraint, des thèmes qui le hantaient. Il a essayé d'y voir clair pour les utiliser. Tenez, je crois que c'est ça qui est très important. Une des choses qui m'a frappé, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, peut-être pas dans ce livre ailleurs, c'est que tant que Verlaine demeure lucide vis-à-vis de lui-même, tant que Verlaine juge ce qu'il fait, le fait, mais le juge, il est sauvé comme poète. Du jour où il se confond avec ses actes et avec sa poésie, et les accepte, il est perdu. Cette lucidité, cette grandeur, cette distance poétique qui fait qu'il y a un être lucide, un alchimiste, un ingénieur, à la fois un magicien uni, qui sublime le monde tout en le subissant, et parce qu'il le subit, là, c'est la grandeur de la poésie. Oui, vous voulez que je revienne à l'eau. Évidemment, c'était un peu, et même très délicat de parler de cela. Le thème de l'eau chez Verlaine m'a paru étrangement, au fur et à mesure que je lisais, que je relisais Verlaine, revenir très fréquemment, de manière obsessive. Il est lié au thème de l'enfer, au thème de la damnation, au thème de la perdition. Dans l'extraordinaire détriplement de la personnalité ou les questions de l'âme, de l'imagination, de la pensée. Il s'agit d'un papillon, et pourtant ce papillon est bientôt rejoint par une idée de naufrage et de navire, ce qui n'a rien à voir avec un papillon, dans l'extraordinaire poème érotique que tout le monde connaît, mais qui est difficile de citer, qui a été saisi avec consternation ou délectation, je ne sais pas, par le juge au moment du grave procès de Verlaine et de Rimbaud, pour décrire leurs extases. Verlaine emprunte des images d'oiseaux, et la dernière image est celle-ci. « Je suis élu, je suis damné », remarquez qu'il n'est pas encore converti, de loin. « Faucon, je plane, et je meurs cygne. » Il y a une transposition érotique tout à fait extraordinaire. L'eau, n'est-ce pas, c'est le plus pur liquide. La plus pure a trois dimensions. C'est à la fois le berceau liquide pour un être qui a toujours eu besoin de protection. C'est en même temps la perdition et la petite mort, l'abandon pour un être qui a cherché également l'abandon et la protection, ce qui est évidemment contradictoire, mais Verlaine est contradictoire. L'eau, c'est tout cela. Et c'est pour cela que le thème de l'eau a une importance différente selon les recueils de Verlaine. Dans les Fêtes galantes, vous l'avez remarqué comme moi, l'eau n'a pratiquement pas d'importance. On glisse sur l'eau, on glisse ou on patine sur la glace. Dans tous les poèmes où l'âme de Verlaine est provisoirement, comment dirais-je, stabilisée, l'eau est un liquide paisible, neutre. Au contraire, et je crois avoir été le premier à montrer ça dans un poème comme Beams, ce poème qui est le dernier de Romans sans parole, c'est le poème du miracle. On marche sur l'eau. Quelqu'un qui voudrait voir les pas mystérieux de la grâce à travers une vie verrait déjà dans ce poème un élément de rédemption, parce que là où il y a foi, il y a espoir de rédemption dans tous les domaines. Donc je crois maintenant que nous pourrions prendre ces œuvres de Verlaine qui se succèdent, les poèmes saturniens, puis les Fêtes galantes, puis finalement les Romans sans parole en 1873, et Sagesse, dont vous montrez bien la gradation. Constamment, au fond, Verlaine a cherché la même chose, c'est-à-dire essayer de réconcilier le réel et l'imaginaire, le songe et la vérité du monde, mais il l'a cherché sur des plans différents. Alors peut-être pourrions-nous d'abord prendre les poèmes saturniens qui, évidemment, sont marqués d'une tristesse qui n'apparaît pas dans les autres, dans les poèmes qui vont succéder. Pour vous, je crois, l'essentiel des poèmes saturniens, c'est une leçon d'amour. C'est l'amour qui sert un peu de véhicule et qui permet de passer du plan de la réalité au plan de la recréation de cette réalité, une transposition à laquelle Verlaine va constamment nous accoutumer par telle ou telle technique. Oui, c'est ça, et ce n'est pas cela. Parce que les poèmes saturniens sont à la fois l'œuvre d'un disciple, et d'un disciple mystérieux, comme je vous l'ai dit, mais qui entend faire acte d'obédience envers le Parnasse, d'un virtuose technique, et d'un homme qui souffre, qui manifeste des sentiments violents, et qui entend, si vous voulez, que les oscillations du sismographe se distinguent malaisément pour les personnes indignes, pour le grand public. C'est la théorie de Le Comte de Lisle dans Les Montreurs. Ainsi, il a dissocié les poèmes, il a constitué des séries techniquement parfaites, mais artificielles du point de vue sentimental, justement pour dérouter. Alors, si vous voulez, c'est un livre d'amour. Et cela, je pense que maintenant tout le monde l'admet depuis que Les faits, les lectures, les recoupements, les découvertes m'ont conduit à montrer que tous ces poèmes que l'on disait artificiels ou littéraires, littérature, n'est-ce pas, dans le mauvais sens, étaient des poèmes réels, vécus, écrits dans des paysages réels. Alors je me suis dit, si c'est dans des paysages réels, et j'en ai donné un jour des photographies de ces paysages, pourquoi ça ne serait-il pas avec une femme réelle? Et j'ai montré que cette femme existait. C'est sa cousine Elisa, avec sa voix d'or. C'est à la fois sa Béatrice et son Armide perdue par les mystères, ce lâtre réel, si je puis dire, et les cancans de la province. Et alors, nous avons, si vous voulez, dans les poèmes saturniens, une espèce de livre à clé. Il y a là-dedans, pour Verlaine, très officiellement, un essai de délivrance par le sujet, comme je vous disais, c'est-à-dire par la vertu de l'art. C'est le prologue et la conclusion. Et à l'intérieur de cela, il y a un Verlaine poignant, pathétique, qui souffre, mais qui, tout en souffrant, essaye déjà des tentatives qui le mettront, nous en reparlerons dans un instant si vous le voulez, qui le mettent avant Rimbaud. Car Rimbaud n'a estimé Verlaine, Rimbaud était trop habile, trop intelligent pour ne pas estimer Verlaine s'il ne pensait ne rien avoir à prendre de lui. Mais dans les poèmes saturniens, parce que vous me parliez des choses, Verlaine prend ses distances vis-à-vis des choses. Dans les Fêtes galantes, qui est là, une chose extraordinaire, un essai de délivrance non plus par l'objet, mais par le sujet, c'est-à-dire par le passé, un essai de paradis perdu retrouvé. Dans les Fêtes galantes, il n'y a plus de distance vis-à-vis des choses. Verlaine les annexe à ses féeries, à sa magie essentielle. Il fait des choses ses complices. Parce que ce qui importe, ce ne sont plus les choses, ni les êtres qui l'ont fait souffrir dans les poèmes saturniens, même transposés, ce sont des femmes de rêve, ce sont des femmes merveilleuses. C'est quand on nage dans le flot boueux de la vie, et de la vie de la fin du Second Empire, c'est de gagner une autre rive enchantée où le bonheur vous attend. Mais pour ça, d'abord, de s'être costumé soi-même, de s'être fait plus beau que l'on est, car Verlaine, Dieu sait s'il a souffert de sa laideur, se faire plus beau que l'on est, de se créer des femmes plus belles qui vous aimeront, un peu comme la fantasque Nina de Villard, mais elle-même refondue, et là, de vivre à l'abri. Mais pas comme dans un berceau puéril, à l'abri dans un parc bien clos, qui est situé dans une espèce de quatrième dimension, cette quatrième dimension que Proust, pour sa part, n'a pas toujours recherché, le temps. En somme, Verlaine essaye de retraverser un miroir pour retrouver une autre réalité, mais malheureusement, nous l'avons dit, sauf dans les contes de fées, on ne traverse pas les miroirs. Il est assez curieux de voir que les poèmes saturniens sont de 1866, les Fêtes galantes de 1869. Vous notez la rapidité de cette évolution, oui, et le fait qu'il ait pu ainsi changer du tout au tout, et vous vous demandez où a-t-il puisé ces forces qui lui ont permis ainsi d'utiliser un autre univers et d'entrer dans un monde possible. Et ce qui est assez troublant, c'est de voir que cette évolution vers l'objectivité, mais une objectivité plus dramatique, plus heurtée, se poursuit en 1873 avec les romans sans parole. L'objectivité, puisque l'homme est banni, et que l'objet est constamment substitué au jeu, et on arrive à une intimité mystique entre la vie des choses, enfin le pittoresque, la parlure du monde, et le possible de ce monde. Mais ce que Verlaine cherche, je crois d'ailleurs qu'il l'a dit dans sa préface, c'est à déconcerter, il cherche le déconcertement. Alors il est assez curieux de le voir après qu'il ait utilisé le rêve dans un sens apaisant et complètement chimérique dans les Fêtes galantes, utiliser le rêve sous une forme dramatique dans les romans sans parole. Oui, c'est d'autant plus curieux que les romans sans parole sont plus troubles et plus troublantes qu'il n'y paraît en réalité. Il y a eu, avant les romans sans parole, l'affaire Rimbaud. Il y a eu, dans les romans sans parole, un partage presque constant entre l'image de sa femme et la présence, enfin le fantôme, si vous voulez, de sa femme et la présence de Rimbaud. Il y a, nous l'avons remarqué, des images obsessives qui rejoignent celles des poèmes saturniens. Et il y a, alors là, je crois, puisque vous m'en parliez, il y a une autre utilisation de la nature des choses, une autre possibilité de refuge. Cette fois, il ne prend plus de distance avec les choses, il s'en fait le complice. Il ne fait plus des choses ses complices, il s'en fait lui le complice humble, docile. Il se dilue et avec une espèce de mimétisme pour s'introduire dans les choses. Il y a une espèce d'animisme panthéiste, ou très discret, mais très subtil, qui avait admirablement vu Mallarmé lorsque il écrivait son poème au moment de la mort de Verlaine. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce poème où l'on trouve cet hémistiche admirable, il est caché parmi l'herbe Verlaine. Monsieur René Char m'écrivait dernièrement, à propos de ce Verlaine, une lettre très belle sur le sens de se cacher parmi l'herbe et la valeur de l'amitié pour créer d'autres herbes protectrices. Les romans Saint-Paroles, c'est encore un autre essai de délivrance, un essai de délivrance par la communion à la fois intime et mystique avec les choses, mais quand on les regarde de plus près, il y a encore des principes de déchirement. Je vous disais que ce qui importe finalement, oh, pas du point de vue technique, mais du point de vue de l'évolution de Verlaine, c'est peut-être des poèmes comme le dernier poème. Bien entendu, du point de vue littéraire, des poèmes comme Chevaux de bois, qui ont donné naissance à toute cette littérature de cirque, de fêtes foraines, d'intimité paisible, de communion avec la foule. Une foule un peu tenue à l'écart, Verlaine ne l'aimait pas beaucoup. Et puis alors, ce que je noterais dans les romans sans parole, c'est cet art mystérieux, et pourrait-on dire classique, en élargissant le mot, cet art de dire volontairement trop peu. Mais là encore, il faudrait délimiter la part de l'influence réciproque de Verlaine et de Rimbaud. Je crois qu'on a fait la part trop belle à Rimbaud, à ce moment-là, et que Verlaine a appris beaucoup par Rimbaud, que Verlaine était très en avance sur Rimbaud. Vous faisiez allusion, je crois, au crépuscule du soir mystique, où Verlaine a essayé d'une manière étonnante d'appliquer à la poésie les recettes techniques des demeures de l'âme de Sainte-Thérèse d'Avila, dans un poème que l'on ne fait pas assez attention, comme le Rossignol, où il se compare à un arbre, il est à la fois un arbre et lui-même. Il a essayé d'appliquer à la poésie l'état d'extase du haschich décrit par Baudelaire. Tout cela sont des tentatives très en avance à ce moment-là. Oui, sur le Rossignol est un poème très proche du surréaliste, certainement. Oui, tout à fait, très en avance sur Rimbaud à ce moment-là. Maintenant, alors, si nous quittons le plan littéraire et ce que vous venez de nous dire sur les rapports littéraires de Rimbaud et de Verlaine, et si nous voyons alors profondément au cœur, dans la vie même de Verlaine, ce que cette expérience Rimbaud lui a laissé, j'aimerais là citer quelques lignes de votre livre qui me semblent aller très loin. Un drame fondé sur le mirage d'un faux paradis terrestre, écrivez-vous, succéderont bientôt le désespoir, puis la rédemption d'un vrai paradis situé hors la terre. Et toute votre analyse, c'est pour montrer que, à travers cette expérience Rimbaud, Verlaine est sorti plus humain, et il s'est tourné, non pas tellement vers le dieu de la clémence, mais il s'est tourné vers une certaine idée de l'immortalité. Et je crois que c'est tout ce qui ressort de cette analyse que vous donnez de l'expérience. Mais c'est important parce que c'est évidemment un grand tournant de la vie de Verlaine. Je crois surtout, je me suis persuadé au fur et à mesure que je lisais, que je relisais ce drame, j'essayais de pénétrer cette psychologie terrible, différemment terrible des deux personnages, que c'est surtout l'importance du thème de l'âme et du mot âme qui m'ont frappé, comme vous, je crois d'ailleurs. À partir du moment où il connaît Rimbaud, il parle toujours davantage de l'âme, il est inquiet de l'âme, quand il veille au chevet de Rimbaud, c'est à l'âme qu'il pense, dit l'âme est immortelle, quand Rimbaud dort, il le croit mort et voudrait qu'il fût immortel. Tout se passe comme s'il cherchait l'âme sans savoir qu'il y a véritablement une âme, ou s'il y en a une sans croire qu'il y a véritablement une âme, il cherche l'âme sur la terre, dans les choses, dans la présence de son ami, avant de la chercher, où elle doit être évidemment logiquement, si l'on est mystique, c'est-à-dire dans l'éternité. Alors il est donc parfaitement normal que des signes se manifestent dans l'œuvre de Verlaine. N'est-ce pas ? J'ai parlé, je crois, d'ouvriers subalternes qui bâtissent une route sans savoir pour quelle présence souveraine ils travaillent. Cette présence souveraine, c'était celle de Dieu, c'était celle de la grâce. Celle de la grâce dont il fut frappé à l'occasion de sa punition très grave et très cruelle pour très peu de choses, après son menu coup de revolver sur Rimbaud, mais grâce, qui je crois indéniable, puisque Dieu se sert pour la grâce des moyens qu'il trouve. Alors, ce que lui dictera cette grâce est évidemment sagesse, et vous avez pour définir cette grâce une formule que j'aimerais là aussi citer. La poésie comme la grâce, écrivez-vous, régénératrice d'éléments humains. Je crois que c'est particulièrement valable pour le cas Verlaine. Paul Claudel disait que la poésie de Verlaine était peut-être la seule poésie catholique en France. C'est peut-être excessif, il y a eu de la poésie catholique avant Verlaine. Seulement, évidemment, ce qui est très touchant, c'est le côté qu'on a pu reprocher d'ailleurs à Verlaine, qu'à côté de ces élans qui ont le ciel pour absolu et sa vocation pour pivot, eh bien, néanmoins, il a continué à faire des œuvres où il manifeste sa sensualité, sa vanité, son orgueil devant la vie, enfin, tous ces défauts que d'un bout à l'autre de son existence, il a pu se reprocher et contre lesquels il a essayé de lutter par des remèdes plus ou moins efficaces. Mais peut-être alors pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de ce qu'on a pu reprocher au catholicisme de Verlaine, à savoir son manichéisme, cette alliance du bon et du mal dans le monde, et cet homme qui est porté tantôt par un courant et tantôt par un autre, et qui jusqu'à la fin de sa vie, au fond, admet fort bien cette alternative en lui-même. Je sais que je n'ai pas qualité pour parler du catholicisme de Verlaine. Claude lui-même que vous citiez a été, dans d'autres textes, beaucoup plus sévère à l'égard de ce catholicisme de Verlaine. Il a dit, c'est cité par Gide dans son journal, qu'il y avait dans, je crois, il était à peu près ceci, qu'il y avait dans sa geste toute une part de jonglerie qu'il n'aimait pas. Il a donc été parfois sévère, beaucoup plus sévère pour le catholicisme de Verlaine que pour la technique souveraine de Verlaine. Quant au manichéisme, eh bien, de même que nous disions que la grâce se sert d'éléments humains, que Dieu, quand il veut toucher un être de la grâce, se sert de ce qu'il trouve, eh bien, la grâce a cherché en Verlaine, mais n'a pu trouver en Verlaine que ce qui existait, qu'elle a sublimé, c'est-à-dire cette lutte perpétuelle entre la croyance au bien et la croyance au mal. Cette lutte, Verlaine l'a transfigurée par une espèce de sensualité mystique quand il parle du bonheur, à la fois physique, dit-il, et moral. Ceci serait peut-être reproché par des censeurs ecclésiastiques sévères, du bonheur moral et physique à la fois de communier. Mais Verlaine ne peut pas complètement s'abstraire de ses doutes, doutes qu'il transfigure en élan. C'est en cela, je crois, que vous pouvez parler de manichéisme, mais Verlaine ne peut pas croire autrement. Il est soulevé, il est transporté, vous vous souvenez des vers admirables, « Mon Dieu m'a dit, mon fils, il faut m'aimer ». Et il fait parler le Christ dans sa geste, à la fois comme un père, comme un frère, vous vous souvenez peut-être, le Christ connaît tout de Verlaine, ce qui est admirablement vu, admirablement senti, admirablement pensé, admirablement consolant. Et le Christ lui dit, mais oui, je suis cela, je suis tes péchés, je suis tes sourires, je suis tes doutes. Je l'accepte, n'aie pas peur. Je ne veux pas citer de Verlaine, vous voyez, c'est le sens. Si je lisais les vers, ça serait beaucoup mieux. Mais vous savez bien que c'est le sens du dialogue entre... Oui, c'est dans ce sens d'ailleurs que vous pouvez dire que cette fameuse conversion de Verlaine est finalement une réversion, c'est-à-dire un retour sur soi-même, oui, sur l'enfant qu'il a été et dont il ne s'est jamais détaché, parce que c'est un homme qui ne s'est jamais oublié lui-même. Une distinction, je crois, qui était normale sous le Second Empire, c'est tout à fait normal dans cette génération, j'ai un grand-oncle qui était comme ça, une distinction aussi entre la religiosité et la religion, n'est-ce pas, entre la religion d'État, cette religion dont il parle dans ses confessions, qui était formale à enseigner, et le mysticisme. Verlaine a toujours été un mystique, c'est un mystique dévoyé, un mystique dévié, et c'est un mystique, vous le remarquerez, et c'est encore un des traits extraordinaires de la grâce. Il y a une image, je crois, comme cela dans l'Évangile, n'est-ce pas? C'est le lacet, ou alors dans des poètes religieux qui commentent l'Évangile, le lacet de Dieu qui tire lentement jusqu'au rivage. Non, c'est Jean-Claudel, je crois, qui tire lentement jusqu'au rivage. L'âme que Dieu veut conquérir. Il est venu à Dieu par des voies détournées, par des voies obliques. Il est venu à la source de tout mysticisme, qui est évidemment Dieu. Alors nous en arrivons maintenant aux dernières pages de ce Verlaine par lui-même, de Jacques-Henri Bornec, que nous avons parcouru trop rapidement. Il aurait fallu insister sur bien d'autres détails. Ces pages, c'est évidemment l'étude de Verlaine qui a démissionné. C'est l'homme qui maintenant s'efforce de calmer le poète, de même qu'autrefois Le poète s'efforçait de calmer la femme, maintenant l'homme calme le poète, et le poète, au fond, s'en tient à la nature des choses, à la simplicité. Vous pouvez citer l'art, mes enfants, c'est d'être absolument soi-même, on vit simple comme on est simple, comme on aime, d'être un brave homme et pris de vivre. Vous parlez d'une sorte de démission de Verlaine, parce que, en effet, il sait bien que la poésie, c'est le rêve inachevé des dieux, donc cette poésie, il faudrait sans cesse la relancer. Et il est évident aussi que le poète est chargé d'exprimer le monde du mystère. Ce que vous venez de nous dire sur la manière dont il conçoit sa vie religieuse et les rapports de cette vie religieuse avec l'expression poétique qu'il en a donnée prouve que jusqu'à la fin, quand même, il a l'idée de ces mystères de la vie que le poète peut transmet, peut interpréter. Donc, jusqu'au bout, il a pensé que le poète n'était pas un réflecteur. S'il était un réflecteur, il est évident que Verlaine ne serait qu'une sorte de Lamartine symboliste, et il n'est pas ça du tout, et tout ce que vous venez de nous dire nous l'a montré. Quel est le drame, quand même, profond, à la fin de cette vie? Ben, le drame, c'est la lassitude. Le drame, c'est tout simplement le personnage célèbre et méconnu, les espèces de Diogène et de Faune ensemble, admirés par un Barès, par un Montesquieu, le personnage au profit duquel démissionne la personne. Il y a bien démission de la poésie, et il y a démission de la poésie depuis que Verlaine a fait un système de son parallèlement, de cette espèce de conte en partie double, de livre de contes de la poésie, le doigt, la voir, la chair, Dieu, à chacun selon ses œuvres, etc. Alors, il y a à ce moment-là perversion de la poésie, parce qu'il y a substitution de la mécanique de l'intelligence et du métier au mécanisme presque biologique de l'âme. Il n'y a plus de vague dans cette poésie de Verlaine, même de vague vraiment limoneuse. Il n'y a plus que la mer morte. C'est ça qui est grave. Verlaine s'est dit, eh bien, il faut vivre tranquille, j'ai le droit de vivre moi aussi. La poésie coûte trop cher. Or, la poésie ne coûte jamais trop cher, car c'est cela qui m'a frappé. Et c'est ça, je crois, qui frappe de plus en plus ceux qui lisent et qui aiment Verlaine. N'est-ce pas ? On aime Verlaine non seulement parce qu'il a aimé lui-même, qu'il a aimé les êtres jusqu'au désespoir, à la passion, à la perversion, parce qu'il aimait les choses, mais parce qu'il a cherché. Parce qu'il a cherché le mystère du monde, parce qu'il n'a jamais voulu abandonner cette recherche du mystère de la poésie. La poésie, c'est l'insolite. La poésie, c'est autre chose, et je crois que c'est Paul Claudel encore qui a dit que si la création était parfaite, il n'y aurait pas besoin de poésie. Verlaine semble avoir compris cela. Après ce que vient de nous dire Jacques-Henri Bornec sur Verlaine, son existence, dans la mesure où son caractère, sa vie, ses rêves, nous, son aventure poétique, revenons un instant sur l'affaire Rimbaud. On connaît les faits. En septembre 1871, Verlaine, qui s'est marié en 1870, reçoit une lettre et des poèmes d'un jeune homme de 17 ans qui habite Charleville. Verlaine lui envoie un mandat et lui écrit « Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend. » Octobre 1871, naissance de Georges, fils de Paul Verlaine. Janvier 1872, Verlaine, qui avec Rimbaud installé rue Campagne Première, commence à mener ses fameuses nuits d'Hercule, Verlaine rentre ivre chez lui. Il brutalise son fils et tente d'étrangler sa femme. C'est la double séparation, Mathilde part pour Périgueux, Rimbaud pour Charleville. « Attente de l'être, attente de toi », écrit Verlaine à Rimbaud. Verlaine vit alors chez sa mère. Mai 1872, retrouvailles et nouvelles esclandres. Mathilde, de retour au foyer, a failli être brûlée vive par Paul Verlaine qui, un mois après, en juin, blesse Rimbaud à la cuisse en se battant au couteau. Juillet, départ de Rimbaud et de Verlaine pour la Belgique. Verlaine écrit à sa femme « N'aie pas de chagrin, ne pleure pas, je fais un mauvais rêve, je reviendrai un jour. » 21 juillet, Mathilde va chercher son mari à Bruxelles. Il la suit, mais à la frontière, Verlaine la quitte brusquement, puis lui écrit « Misérable fée carotte, princesse souris, vous m'avez fait tout, vous m'avez peut-être tué le cœur de mon ami, je rejoins Rimbaud s'il veut encore de moi. » Août 1872, séjour de Rimbaud et de Verlaine à Bruxelles. De septembre à novembre, ils sont à Londres, où Verlaine reste seul en décembre 1872. De janvier à mai, de Londres, puis de Namur, Verlaine relance sa femme, qui ne veut plus qu'on l'obsède de lettres. De mai à juillet, les deux poètes retournent à Londres, puis, après une fugue de Verlaine qui veut se suicider, ils se retrouvent à Bruxelles. Le 10 juillet, toujours à Bruxelles, Verlaine rentre ivre et, en présence de sa mère, il agite un pistolet en disant « C'est pour vous, pour moi, pour tout le monde ». Puis il tire deux coups sur Rimbaud. Le 11 juillet, Verlaine est transféré à la prison des Petits Carmes. Le 8 août, il est condamné à 2 ans de prison et 200 francs d'amende par le tribunal de Bruxelles, puis emprisonné à Mons. En janvier 1975, Verlaine sort de prison. En juin 1974, il s'est converti. En février 1975, Verlaine écrit à Rimbaud « Aimons-nous en Jésus ». Les deux poètes se retrouvent à Stuttgart. Verlaine essaie de convertir Rimbaud. Le dialogue se termine par une querelle. Verlaine part pour Londres. En novembre, Verlaine jure qu'il ne lira plus les lettres de son ami. Et le 12 décembre, c'est la dernière lettre à Rimbaud. « Rien reçu, rien répondu. » Aujourd'hui, je romps ce long silence pour te confirmer tout ce que je t'écrivais il y a 2 mois, le même toujours, religieux strictement, parce que c'est la seule chose intelligente et bonne, tout le reste est duperie, méchanceté, sottise, donc le même toujours, la même affection modifiée pour toi, je te voudrais tant éclairer, réfléchissant, se met un si grand chagrin de te voir en des voix idiotes, toi si intelligent, si près. Donc, le fait durable de cette affaire, c'est la conversion. Cette conversion de Verlaine a-t-elle été le contre-coup de ces tristes combats de 1871-72, ou était-elle déjà latente dans l'être profond de Paul Verlaine? C'est la question que nous avons posée à Henri Guillemin. Henri Guillemin, à qui je laisse la parole. Verlaine avait 27 ans lorsque Rimbaud a surgi sur son chemin, c'était à l'automne de 71. Tout n'a pas été dit, vous savez, sur cette aventure, qui ne se réduit pas, qui est loin de se réduire à mes yeux aux étreintes d'une sexualité déviée. Une grandeur si mêle qui est inaperçue, peut-être qu'un jour j'essayerai d'en rendre compte. Mais avant l'automne 71, comment était-il, Verlaine? Qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce qu'il voulait? Comment jugeait-il sa vie, et même la vie, si vous voulez? Il me semble que c'est intéressant, important même, de pouvoir, s'il y a moyen, répondre à ces questions-là. Ben d'abord, il faut savoir que Verlaine n'a pas été un enfant malheureux, une enfance douce, au contraire, la sienne. C'est lui qui écrit « Or, je naquis, choyé, béni ». On le voit, jamais il ne cherchera l'excuse pour ses vices d'un milieu qu'il aurait corrompu ou d'un malheur dans ses jeunes années dont l'effet eût été désastreux sur lui. Il n'y a rien même qui ressemble chez l'enfant Verlaine au fameux traumatisme qui, chez l'enfant Baudelaire, aurait été, j'en suis pas tellement certain, déterminant, leur mariage, sa mère. Rien de tel pour Verlaine. Un père, mais une mère près de lui, qui est fils unique, attentif, tendre, indulgent, un foyer où l'on s'aimait. Je sais bien que l'homme des confessions de Verlaine de 95, il a 51 ans, auteur de ce livre tout exprès sordide, vous savez, comme il disait, pour être à la coule de ce siècle crevant, je sais qu'il salira délibérément l'enfant qu'il avait été. ce moment-là, sa notoriété était faite à la fin de ses ignominies, plus encore que de son talent, et il se plaira à en remettre, comme pour ne pas décevoir la clientèle, avec une insolence tout bas, une insolence d'ironie écœurée et méprisante. La nourriture abjecte qui fait vos délices, salaud, eh bien, en voilà pour votre argent, je pense. Mais pas plus précoce ni plus pervers qu'un autre, dans ce qu'on appelle les choses de la chair, le gamin Verlaine qui est travaillé par la puberté. Très longtemps, même avec ses pauvres secrets usuels, très longtemps, il a été un bon petit, qui s'appliquait à ses études, qui cherchait à faire plaisir à ses parents. Il a 17 ans lorsqu'il écrit « Aspiration ». Ben, « Aspiration », c'est les vers d'un jeune cœur, droit et pur. La grosse coupure, me semble-t-il, dans sa vie intérieure, c'est la mort de son père, qui est survenue brusquement le 30 décembre 65, donc il avait 21 ans. Il avait été élevé, vous le devinez, dans la religion catholique, je crois que son père était agnostique, mais sa mère était chrétienne. Et lui, il avait marché, enfin, il avait adhéré à tout ça avec une espèce de ferveur. Et puis autour de sa 16e, 17e année, 18e année, puisqu'Aspiration, qui est de ses 17 ans, est encore assez chrétien, tout ça s'était décomposé en lui, c'était des faits. Il faut songer qu'il appartenait à cette jeunesse intellectuelle de la fin du Second Empire, qui à Paris était très délibérément incroyante, enfin l'athéisme y régnait à peu près. Et puis d'autre part, il y a eu tous les entraînements sensuels qui faisaient que la morale catholique lui paraissait insupportable. Alors la mort de son père, c'est un gros coup parce que ça le met en présence de cette étendue noire de l'éternité où il a cru autrefois qu'il y avait quelqu'un et où il a bien l'impression maintenant qu'il n'y a personne. Cependant, on se tromperait si on le voyait toujours sombre, accablé. Oh non, pas du tout. Toutes sortes d'informations que nous avons à ce moment-là sur lui prouvent qu'il était capable de beaucoup de gaieté, qu'il y avait même chez lui, comme on disait, des parties de fou rire. Enfin, il faisait rire les gens, il avait un don d'imitateur. Chez Nina de Callias, par exemple, quand la soirée était vraiment réussie, ben, c'est parce que Verlaine s'y mettait et faisait des imitations de Copé, par exemple. Ce qu'il écrit à ce moment-là, c'est presque entièrement sensuel. Vous voyez, il y a les fêtes galantes, ça officiellement, et puis inofficiellement, sous le manteau, sous un autre nom. Il y a les amis, qui sont des vers saphiques. Il ne faut pas se tromper non plus sur les fêtes galantes. En apparence, c'est un livre heureux, souriant, enfin ensoleillé. Mais lui-même, à la fin de sa vie, dira « Faites attention, enfin derrière cette fête galante à la Watteau, naturellement, on pense toujours à Watteau, ces beaux seigneurs et ces belles dames dans de ravissants jardins. » Il dit qu'un pressentiment rôde sous ces extases, qu'il y a du noir derrière ces nuages blancs. Quelque chose de fantomal, enfin, ces êtres ont l'air de danser je ne sais quelle danse galante et au fond macabre. Et puis un garçon qui se met à boire trop. Il y a une lettre de lui en 67 à Copé où il ricane, où il dit « Je me remets comme je peux de 3 jours de cuites excessives. » Mais ces cuites excessives marquent quelque chose en lui qui justement est très important à voir. Une découverte qu'il a faite d'une sorte de présence étrangère en lui. Pas à cause de cet emportement qui le jette à des frénésies de luxure. Peut-être s'étonne-t-il seulement d'avoir, comment dirais-je, pour les plaisirs de l'inversion, autant de goût que pour les voluptés classiques. Mais en raison de ce qu'il appelle lui-même « ma fureur de boire ». Une fureur qui, de temps en temps, le prend, le domine, la servit. Vous savez, il ne choisit pas ses mots au hasard, Verlaine. Quand il dit « fureur », il veut dire « fureur ». Une force noire, une sombre violente, une espèce de passion véhémente et sans bonheur. Comme si quelqu'un l'habitait. Un hôte, venu de loin, qui serait tapis dans son sang et invisible et muet d'abord, mais déjà là, et qui se serait soudain démasqué, proférant des ordres. Depuis les recherches d'un érudit belge qui s'appelle M. Lefebvre de Vivi, nous connaissons ce grand-père Verlaine, dont Paul ne savait, je crois, presque rien. Ce terrible bonhomme, nocturne et sacrilège, plein de fièvre et d'alcool. Est-ce lui aussi qui va commander ses mains que Paul Verlaine regardera avec épouvante, autonome devant lui, pour ainsi dire, et homicide? Ils sont de 1886, les vers que voici, j'ai peur, aller voir sur ma table, préméditer là, sous mes yeux, quelque chose de redoutable, d'inflexible et de furieux. Mais, si c'est de 86 seulement que datent ces vers célèbres, après le second attentat de Verlaine contre sa mère, dès 1869, il aurait pu les écrire. Au lendemain de ce jour où, à l'improviste et sans comprendre ce qui lui arrivait, car il n'était pas ivre et nul motif n'expliquait son geste, il s'était précipité sur son camarade Le Pelletier avec un couteau brandi. Son premier recueil s'intitule, tout le monde le sait, « Poème saturnien ». Eh bien, l'adjectif, croyez-moi, n'est pas seulement littéraire, élu pour sa sonorité et l'espèce d'aura maléfique qui tremble autour de ses syllabes. Verlaine croit à ce signe de Saturne qui exercerait sur lui un pouvoir. et le Saturnien, selon lui, c'est l'homme dont le sang, je cite, « brûle en grésillant le triste idéal ». Triste, ah ben pas en soi, car c'est un idéal de lumière et de calme joie, mais triste par son destin, dès le départ condamné, voué à l'impuissance et à la destruction. C'est à 22 ans qu'il dit que son âme est pareille à un brick perdu d'avance, qui va faire route vers le naufrage, inexorablement vers le naufrage, quelle que soit la science et les efforts du timonier. Le bruit des cabarets, la fange des trottoirs, toit qui dégoûte, mur suintant, pavé qui glisse, bitume défoncé, ruisseau comblant l'égout, c'est du Verlaine, ça. Eh bien, c'est le cadre, n'est-ce pas, de ces années ultimes, quand il est le poète maudit, le clochard boiteux, nourri d'absinthe, entretenu par l'assistance, ballotté d'hosto en hosto, client parallèle de Bibi la purée et d'Eugénie ou de Philomène, d'accord. Mais cette image prémonitoire, c'est à 25 ans que Verlaine l'a dessinée dans La Bonne Chanson, et alors qu'il était le fiancé de Mathilde. Il s'est pas marié comme on l'a prétendu parce qu'il voulait cette petite et qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour l'avoir que de l'épouser, ni non plus en vue seulement des transports que lui promettait l'initiation érotique de cette femme-enfant. Ah, je ne dis pas que ses perspectives n'est pas attirées, mais je sais aussi, et je peux vous dire sans erreur, que Verlaine, quand il pense mariage, il pense foyer, asile, abri, rempart, citadelle. Il a peur de lui-même et cherche un refuge. Il souhaite des enfants. Il aura l'air d'un chef de famille et il se blottira contre les siens. Il paraîtra leur défenseur. Et ce sont eux qui le protégeront. On ne connaît pas Verlaine si on ne devine pas en lui cette bonne volonté pathétique, cette profonde espérance d'échapper à des démons dont il se sent la proie. De tout son cœur, de tout l'élan d'un homme menacé, il s'engage dans cette foi neuve où peut-être l'attend son salut. La Bonne Chanson, un peu mièvre, ne revêt tout son sens que si l'on sait y voir ce qui effectivement s'y trouve, secret, ardent, fondamental, ce coup de barre ou ce coup de rein d'un être qui s'acharne à conjurer un envoûtement, qui se bat éperdu pour accéder à un chemin de libération et d'envol. Ben vous savez que tout ça finira très mal. Les circonstances ne l'ont pas aidé, il s'est marié au mois d'août 1870, c'est la guerre. Il va y avoir l'investissement de Paris, un Verlaine garde national, il va y avoir surtout cette volonté des généraux de Paris de ne pas se battre, de ne pas percer le cercle d'investissement qui était si fragile, vous savez, et si mince, parce qu'une victoire militaire eût été une victoire de la République, et rien n'était plus épouvantable pour les généraux de Paris qu'une victoire de la République. Ben Verlaine va être comme 100 000 autres, comme 200 000 autres, victime de cette désorganisation calculée de l'armée, où on encourage l'alcoolisme, où Verlaine, qui ne buvait plus, se remet à boire. Ben c'est cet infortuné, c'est ce vaincu misérable qui, tout à coup, à l'automne 71, se trouvera face à face avec Rimbaud, le météore, l'ange ambigu, l'époux infernal. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison? Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Le dernier mot sur l'œuvre de Paul Verlaine, je voudrais le laisser à Marie-Jeanne Dury, qui, poète elle-même, mène un esprit d'investigation et de compréhension incomparable à travers toutes les variétés de la poésie moderne et en parle d'une manière appropriée, à la nature profonde de chaque œuvre, mais aussi en se référant à l'esprit qui se dégage de toute cette littérature poétique. Je me demande quelle audience Verlaine trouve réellement aujourd'hui auprès des jeunes. L'aime-t-il autant que nous faisions quand, vers 14 ou 15 ans, il nous semblait le découvrir dans son choix de poèmes que nous savions bientôt par cœur et nous répétions sans fin? Que de fois l'ai-je entendu renier au profit d'Apollinaire. Verlaine, c'est du facile, du bel an, me disait-on. Le parfait ménétrier, ce n'est pas lui, c'est Apollinaire. Affaire de mode. L'art de l'un n'est pas moins troublant que celui de l'autre, mais l'habitude émousse l'émotion. Apollinaire fait encore figure d'insolite contemporain, mais bercé dès l'enfance par les sortilèges verlainiens, on ne songe plus à s'étonner d'eux. Pourtant, ce n'est pas Verlaine qui est usé, ce sont les âmes. Comment, relisant une œuvre pour la centième fois, se refaire aussi neuf devant elle que si on la lisait pour la première? Et pourtant, dans une rue, au cœur d'une ville de rêve, ce sera comme quand on a déjà vécu. Un instant à la fois très vague et très aigu. Ô ce soleil parmi la brume qui se lève. Ô ce cri sur la mer, cette voix dans les bois. Ce sera comme quand on ignore des causes. Un lent réveil après bien des métempsychoses. Les choses seront plus les mêmes qu'autrefois. Dans cette rue au cœur de la ville magique, où des orgues moudront des gigues dans les soirs, où les cafés auront des chats sur les dressoirs, et que traverseront des bandes de musique. Ce sera comme quand on rêve et qu'on s'éveille, et que l'on se rendort et que l'on rêve encore, de la même féerie et du même décor l'été, dans l'herbe, au bruit moiré d'un vol d'abeilles. J'ai choisi le kaléidoscope de jadis Sénaguère parce qu'il est moins connu que tant d'autres poèmes. Mais cet accent unique que l'on perçoit à la simple lecture, si l'on s'abandonne naïvement à elle, n'est-il pas tout entier déjà dans tel ou tel vers pris presque au hasard parmi les poèmes saturniens, où cependant Verlaine est encore à la recherche de lui-même? La lune est rouge au brumeux horizon. Ou bien cette strophe des romances sans paroles. L'ombre des arbres dans la rivière embrumée meurt comme de la fumée. Tandis qu'en l'air, parmi les ramures réelles, se plaignent les tourterelles. Jamais je ne puis regarder un de ces paysages où l'univers se double mystérieusement dans l'eau sans que ces vers inimitables se réveillent en moi. L'homme Verlaine est ballotté aux dérives, aux capitulations, aux débâcles. À travers les 51 années qui vont de la naissance parmi un bien-être bourgeois jusqu'à la mort, nu dans un bouge, passe une terrible image de frénésie et d'avilissement. Verlaine ne s'est pas livré sans résistance à ses démons. Les répits, les haltes, les instants de rémission, les trompeuses lueurs d'aurore ont duré longtemps pour lui. La prison de Mons a été visitée par un appel céleste. Dure fut la rédemption des années de préceptorat à Stickney, à Bournemouth, à Rethel. Mais en regard, l'ivrognerie, la grossièreté, le cynisme, les furtives camaraderies qui préparent le ménage avec Rimbaud et plus tard, pâle réplique, l'idylle avec Lucien Lesquinois, tout un côté sournois et retors et beaucoup de lâcheté. Le fils qui maltraite, terrifie et ruine une mère idolâtre, pour est-il adore. Le mari qui frappe, jette à terre, menace de mort et abandonne la petite épouse, qu'au reste il regrettera toujours, avec larmes d'abord, puis avec haine. Tout un rôle de débaucheur autant que de débauché. La victoire finale sur Sodome due au refus de Casals plutôt qu'à une tardive vertu et achetée au prix d'un abandon goulu aux plus ignobles prostituées. Et quelle erreur ce serait de penser que le génie de Verlaine est dû à cette plongée dans de misérables gouffres, que la boisson, le stupre ont été les pourvoyeurs de sa muse. Malgré les réussites d'un genre spécial qu'il y a jusque dans les odes en son honneur, malgré surtout le don de métamorphose grâce auquel, dans amour, mainteur infâme est transfiguré, la preuve est faite à chaque instant que la prostration de l'alcoolisme ou de l'animal tristé menacèrent sans cesse de tarir le champ et enfin y parvinrent. Non sans qu'à la dernière minute presque, dans la vibration mystérieuse du dernier poème intitulé « Mort », quelque chose d'enseveli se réveille au fond de la lourde matière qui va se défaire. Les armes ont eu leurs ordres, en attendant de vibrer à nouveau dans des mains admirables ou scélérates. Et triste, le bras pendant, nous allons, mal rêveurs, dans le vague des fables. Tirez du rêve notre exode, voulez-vous, nous mourons d'être ainsi languides, presque infâmes, armes parlées. Vos ordres vont être pour nous la vie enfin fleurit au bout, s'il faut, des lames. Mais quelle ironie! Tant que Verlaine parfois lâche tout, mais parfois combat, tant que son œuvre est celle d'où sourdent les notes alors inouïes, tant que dure la lutte et la mélodie, Verlaine est un inconnu. Il est bien édifiant que pas un des recueils qui précédèrent Sagesse, que Sagesse même, enfouie par surcroît dans des caves d'éditeurs, n'ait été publiée qu'à compte d'auteurs. Une seule exception, les romances sans parole, parce que le brave camarade Le Pelletier en fit les frais. Mais quand la guenille humaine erre d'hôpitaux en garnit, quand la voix est devenue à jamais rauque et pâteuse, alors les magies d'autrefois, les incantations restées sans écho opèrent enfin, et la déchéance est auréolée de gloire. Quelque chose commence avec Verlaine qui reste inimitable. Une poésie qui n'exprime plus des conceptions précises ou même des sentiments déterminés, mais je ne sais quel ébranlement nerveux et quelles sensations inexprimables. Dans une musique qui n'accepte pas le vers libre ou la prose poétique, mais qui use de toutes les ressources d'un vers où la rime subsiste si elle tend vers l'assonance, où le rythme se brise, s'allonge ou s'exténue, une musique immatérielle. Il a peint des paysages qui sont des soupirs, des joies sourdement traversées par des craintes, toutes les mélancolies et la tristesse sans fond, la noire détresse, née des douleurs et des remords et qui s'abîme dans une sorte de néant où tout se confond. Il a été, dans une marche raffinée et savante sous son apparence involontaire, jusqu'aux émotions les plus simples, les sensations souterraines, les langueurs vagues, les souvenirs incertains, la tristesse si obscure qu'elle ne s'exprime plus par des analyses, mais par un désespoir balbutiant, une inertie, une atonie, où l'homme est transformé en une pauvre chose heurtée, ballottée, inconsciente. Un grand sommeil noir tombe sur ma vie. Dormez tout espoir, dormez toute envie. Je ne vois plus rien, je perds la mémoire du mal et du bien. Oh, la triste histoire! Je suis un berceau qu'une main balance au creux d'un caveau. Silence, silence. C'est de Verlaine, cuissement s'adit, il a laissé deviner certains au-delà troublants d'âme, des chuchotements si bas de pensée, des aveux si murmurés, si interrompus, que l'oreille qui les percevait demeurait hésitante. ( Musique) Vous venez d'entendre « Analyse spectrale de l'Occident » par Pierre Cibriot, assisté pour la réalisation par Hélène Delabrousse. Aujourd'hui, Paul Verlaine, avec la collaboration de Jacques-Henri Bornec, Claude Cueno, Marie-Jeanne Dury, Henri Guillemin, Henri Lemaître, lecteur Daniel Hivernel, Jean Negroni et Nelly Borjo. Cette émission a été diffusée la première fois le 14 mai 1966 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.